Chapitre 13. Hetzal Prime. Trente minutes avant l'impact. Les deux Jedi, Belle Zetifar et Loden Greatstorm, l'apprenti et le maître, se précipitaient vers les speeders des maraudeurs. Les lames de leurs sabres laser jaillirent en vrombissant pendant qu'ils couraient. Ces armes émettaient un bruit unique dans toute la galaxie. Pour Belle, il évoquait la compétence, l'entraînement, la concentration, un choix d'ultime recours et l'art des Jedi. Les sabres laser étaient conçus pour mettre un terme au conflit. Pour ne pas blesser davantage que nécessaire et, dans les affreuses circonstances où la mort constituait la seule issue, pour tuer rapidement. Ce genre d'instrument n'infligeait pas plus de dégâts que ce que désirait son porteur. Avec un sabre laser, il n'y avait pas de dégâts collatéraux. Le ronronnement de sa lame suscitait toutes ses pensées à la fois chez Belle. Selon lui, les maraudeurs dont il se rapprochait lui associaient sans doute une signification bien différente. Pour eux, ce bruit était celui des conséquences. Les maraudeurs les virent arriver. Comment aurait-il pu les manquer? Belle se dit que les sabres laser servaient également à cela. Brillants, lumineux, on ne pouvait les ignorer. Entre le son et l'éclat, l'ennemi recevait une mise en garde, l'opportunité de renoncer tout simplement à se battre, et n'était-ce pas l'issue la plus souhaitable dans tous les cas? C'était à croire que ces individus malfaisants ne réfléchissaient pas. Malfaisants, oui, c'était le mot. Quiconque mitraillait une foule impuissante pour tenter d'entrer de force dans une demeure et y voler un vaisseau, voilà bien la définition la plus pure d'un acte malfaisant. Une vingtaine de maraudeurs attendaient, répartis équitablement entre les deux speeders. Chacun des appareils disposait d'un canon monté à l'arrière, et les armes pointèrent vers les Jedi, émettant un vrombissement sourd tandis qu'elles se chargeaient. « Pourquoi la Force nous a-t-elle appelés à nous battre aujourd'hui ?» demanda Loden. « Pour la vie et pour la lumière !» répondit Belle. Les canons des speeders tirèrent, lâchant un tir de barrage, un véritable déluge de chaos à vous percer les tympans, le vacarme de la mort elle-même. Belle n'était pas encore passé expert dans bien des arts que pratiquaient les Jedi. Loden avait raison de le pousser, de saisir la moindre occasion de le former, de renforcer ses compétences. Il était padawan, il le resterait sans doute encore un moment. Mais le sabre laser... Son maniement avait coulé de source pour lui, dès le début. Loden et Belle dévièrent tous les tirs jusqu'au dernier. Chaque faisceau était mortel. De larges rayons d'énergie à haute intensité, filant à une vitesse stupéfiante, qui devenait insignifiant face au sabre laser des Jedi. Insignifiant face à la Force. Les Jedi déviaient la majorité des rafales vers le ciel, loin de la foule. Mais tous deux orientèrent soigneusement quelques faisceaux en direction des speeders. Ils n'avaient pas besoin de coordination. Belle s'occupa de l'appareil de gauche, Loden celui de droite, la Force rendant instantanément évident leurs choix respectifs. Les traits d'énergie ricochèrent sur leurs lames dans un crépitement intense. Les canons explosèrent, réduits à l'état d'épaves tordues et fumantes. Ceux qui les maniaient moururent sur le coup. Belle les sentit trépasser. En dépit de la concentration qu'il mobilisait pour se protéger, lui et ceux qui l'entouraient, et du lien qu'il entretenait avec tous les autres Jedi du système, grâce aux efforts de Maître Chris sur le Third Horizon. Les canons avaient disparu, mais il ne s'agissait pas des seules armes des maraudeurs. Des tirs d'armes plus légères émanèrent des speeders fumants. Des fusils, des flingues à diffusion et des pistolets blasters. Peu importait. Loden et Belle avançaient, inexorables, leurs lames lumineuses fendant l'air. Une grenade à segmentation jaillit d'un tube que brandissait l'un des maraudeurs et fila droit vers un groupe de réfugiés en fuite. Loden Greatstorm tendit la main sans ralentir et le projectile bifurqua à angle droit, sa trajectoire horizontale s'infléchissant à la verticale. Il fila en hauteur pour exploser à des centaines de mètres au-dessus de leur tête. Les éclats de métal tranchant qui auraient réduit en charpie des dizaines de fuyards retombèrent dans les champs qui bordaient le domaine des Ranoraki. Belle ressentit le profond mécontentement de son maître vis-à-vis du choix que venaient de faire les assaillants et les plaignit presque. Les deux Jedi bondirent dans les airs, effectuèrent un saut périlleux et repoussèrent d'autres tirs de blaster pendant leur courbe ascendante. Il fallait reconnaître au crédit des maraudeurs que ces sinistres égoïstes tiraient plutôt bien. Non pas que cela eût la moindre importance. Belle atterrit sur l'appareil de gauche et Loden sur celui de droite, comme s'ils en avaient convenu au préalable. Les maraudeurs eurent enfin une idée sensée et plongèrent hors de leur véhicule pour se disperser parmi la foule, mais pas avant que les Jedi n'en aient désarmé quelques-uns à coups de sabre laser bien placés ou en leur arrachant leur engin de mort grâce à la force. « Blast !» jura Loden en voyant les dernières crapules, 8, semblait-il, disparaître parmi les réfugiés. « Certains sont encore armés. Ils pourraient prendre des otages. Il faut qu'on les poursuive à présent. »« Je sais, maître, mais comment allons-nous ?» Un bruit sec, et Belle ne vit plus qu'un halo doré, une lumière aveuglante qui étincelait dans son champ de vision. L'odeur d'air ionisé et surchauffé lui emplit les narines. Un tir de blaster ricocha vers le ciel, trait de lumière destiné un moment auparavant à transpercer le crâne de Belle. Belle réalisa que son maître venait de lui sauver la vie. Par-delà le sabre de Loden, il vit que les gardes des Ranoraki, toujours postés au sommet du portail, avaient levé leurs armes pour leur tirer dessus. « Les idiots !» gronda Loden. « Qu'est-ce qu'ils font ?» fit Belle en levant sa propre lame pour dévier un tir. « Je croyais que vous leur aviez fait entendre raison. » La situation a dû leur faire entendre des raisons. L'occasion leur a paru trop belle. Ils se sont dit que si on était pris entre deux feux, ils avaient peut-être une chance de nous abattre. « C'est de la folie !» protesta Belle. « Avec tout ce qui se passe ici, ils veulent se battre. » « Ils ont peur. Ils s'efforcent d'arracher un semblant de contrôle à une situation incontrôlable. » D'autres tirs émanèrent de la foule. Les maraudeurs survivants, voyant une ouverture, se frayaient un chemin jusqu'aux portes. Les chauffourées basculaient dans le chaos et la bataille ouverte. Des familles de réfugiés ripostaient. Certains avaient manifestement pris leurs propres armes en cas d'urgence. Et pourtant, la catastrophe à grande échelle menaçait toujours. Plus ces gens s'attardaient sur la planète, plus ils risquaient de mourir lorsqu'un projectile en percuterait la surface. En fait, le cas venait apparemment de se produire. Loin vers l'ouest, un immense nuage noir enflait dans le ciel pour former une gigantesque colonne qui s'évasait, formant un vaste disque en atteignant les premières couches de l'atmosphère. Des gémissements de terreur se répandirent parmi les réfugiés. D'aussi gros nuages noirs étaient rarement bon signe. « Il faut que ça s'arrête, » fit Loden. « Je suis bien d'accord, » dit Belle. « Mais comment ?» Son maître considéra l'affrontement. Puis il se tourna vers le ciel où le Nova tournoyait encore lentement, ou peut-être scrutait-il le firmament pour y déceler des traînées ardentes venues de l'espace, ces messagers de fin du monde qu'aucun sabre laser ne pouvait dévier, fût-il manié de la main la plus experte. Il était en fait en train de jauger, de décider, d'échafauder un plan. « Apprenti, protège-moi. » Sans attendre de voir comment son padawan interpréterait son ordre, Loden désactiva son sabre laser. Juste à temps, Belle dévia une rafale qui aurait transpercé la poitrine de son maître. « Faveur rendue, maître », pensa-t-il. Loden ferma les yeux et tendit la main devant lui, paume à plat. Il déploya brusquement ses doigts comme les branches d'une étoile. Ce fut tout ce que Belle aperçut. Il avait bondi devant son maître, le sabre en posture de garde, pour renvoyer les tirs de blaster vers les gardes de la muraille. « Rien ne passera. Je protégerai mon maître. » Il sentit un élan de la force derrière lui, et 8 silhouettes jaillirent de la foule pour s'élever dans les airs. Les derniers maraudeurs. La plupart lâchèrent leurs armes, mais certains tirèrent au hasard sans rien toucher, hurlant de fureur et gesticulant avant que leur blaster ne soit arraché de leurs mains. Belle était bouche bée d'admiration. Tel était le pouvoir des Jedi. Un jour, lui aussi pourrait devenir comme Loden. Il allait le devenir. Même les gardes des Ranoraki cessèrent de mitrailler, tous les yeux convergeant vers les assaillants dont l'ascension n'avait pas cessé. Ils montèrent encore à 3 mètres, puis 5, 10, et retombèrent d'un coup. Comme des rochers poussés du haut d'une falaise, ils piquèrent vers le sol dans un même cri pendant 1 seconde et demie environ, puis ils s'écrasèrent et la clameur se mua en gémissement de douleur. Il n'était pas mort, Belle l'aurait senti. Mais ces gens ne tueraient plus personne. Pas aujourd'hui en tout cas, et peut-être plus jamais. La foule poussa des hurrahs que les 2 Jedi ignorèrent. Ils étaient intervenus parce que c'était juste et pour aucune autre raison. Merci, Belle. Je vous en prie, maître. Loden leva la poignée de son sabre, il la pointa en direction du portail toujours fermé et verrouillé, puis il riva son regard à celui du capitaine des gardes. Il l'activa, et tandis que le cœur lumineux et ardent de la lame se déployait, les portes s'enfoncèrent dans un grand fracas, leurs verrous pulvérisés par la force et la maestria de Loden. Les lourds battants métalliques heurtèrent l'intérieur des murs avec une telle force que l'on pouvait craindre qu'ils ne sortent de leurs gonds. « Vous avez compris maintenant ?» cria le Jedi aux sentinelles pendant que les Hetzaliens affluaient à l'intérieur et se dirigeaient vers le vaisseau. Le capitaine considéra la foule un long moment, puis reporta son attention sur Loden. Il laissa tomber son fusil et les autres l'imitèrent. Loden abaissa son sabre laser, il regarda Belle et sourit. Mais à cet instant, une incertitude traversa le maître comme l'apprenti. « Vous l'avez ressenti ?» demanda Belle. « C'était Maître Chris, à bord du Third Horizon. »« Oui, » répondit Loden. « Il se passe quelque chose d'anormal. »